10h05, il est temps de retrouver la chronique indispensable de François Morel. Bonjour François. Bonjour Ali. Et aujourd'hui, je suis venu accompagné de tout mon orchestre en la personne d'Antoine Salaire. Je mourrais d'un virus, d'un germe ou d'un microbe, d'un truc bien dégueulasse, sans doute humanophobe, de lèpre, de la peste, peut-être du typhus, comme tout un chacun du coronavirus. Je mourrais d'une mort à la télévision annoncée en direct par Monsieur Salomon. Je mourrais dans des chiffres et quelques statistiques qui informent chacun des risques pandémiques. Je mourrais un beau jour pour avoir embrassé la peau d'une étrangère en un coin mal famé. Je mourrais comme on tousse ou comme on éternue pour m'être consolé dans les bras d'inconnus. Pour avoir de trop près serré des anonymes, être sans le vouloir et bourreau et victime. Je mourrai de rougeole ou de la rubéole un jour que je voudrais retourner à l'école. Je mourrai par hasard d'un rhume de cerveau, je mourrai de chagrin en pleurant comme un fou. Je mourrai en rêvant aux chiens noirs du Mexique, aux singes à cul nu, dévoreurs de tropiques. Je mourrai en EHPAD, en maison de retraite, en attendant, confiant, une ultime danette. Je mourrai d'accident ou bien assassiné, flingué, buté, pendu, lynché, décapité. Je mourrai en plein champ, parmi les fleurs sauvages, en observant là-haut les merveilleux nuages. Je mourrai dans mon lit et de ma belle mort, comme à la fin du jour, doucement on s'endort. Pour tenter de sembler de mon temps, je mourrai en chantant le télétravail, c'est la santé. Je mourrai bien un jour, pas ici, maintenant, plus tard, beaucoup plus tard, dans 20 ans, dans 100 ans. Ne chantez pas la mort, chantez Léo Ferré, du temps où Cosimon écrivait des succès. Chaque soir, on entend, avant la météo, le nombre inquiétant de ces décès nouveaux. Apprenez, bonnes gens, qu'en ces temps mortifères, les morts sont au-dessus des normales saisonnières. Je mourrai, je ne sais pas comment, mais je sais qu'un jour s'arrêtera pour toujours ce balai. Oui, je mourrai bien sûr en méritant, j'espère, cette pensée fondée, ce juste commentaire, cet avis ordinaire et si réconfortant. Avant qu'il ne soit mort, il était si vivant. Qu'est-ce que c'est beau. Merci beaucoup François Morel. Merci Ali.